L'aliéné, par Léon Frappier. Une société de bienfaisance avait réuni dans la retraite à Paris certains indigents des deux sexes. C'étaient des isolés, hors famille, hors corporation, que l'âge, la misère, la maladie, l'ivrognerie avaient mis à jour dans l'impossibilité de tromper plus longtemps leurs propres besoins. Il y avait un camelot, un tondeur de chien, un rémouleur, un ramasseur de bouts de cigares, un ex-pitre de foire, un cheminot fluvial, habitué des berges de la Seine, puis une chanteuse des rues, une balayeuse, une ex-marchande de peau de lapin, une ancienne accessite de beauté, une vieille institutrice libre, etc. En tout, 25 hospitalisés qui occupaient les loisirs de la claustration à se raconter réciproquement leurs infirmités. Une émulation passionnée régnait. C'était à qui serait le plus à plaindre, à qui aurait la maladie la plus chronique, la plus incurable, la disgrâce la plus intéressante, à qui souffrirait de la partie du corps la plus sensible. Chacun était édifié sur le cas de tous les autres compagnons et, quotidiennement, chacun ravivait l'attention par des progrès pathologiques extraordinaires, par l'aggravation survenue la nuit précédente. Seule la vieille institutrice ne se lamentait pas. Elle avait dit son cas une fois pour toutes. « Il n'y a aucun motif de me plaindre. J'ai l'air d'avoir perdu toute la chair de mes os, et mes yeux et mes voix et ma mémoire. Or, tout cela, je l'ai donné à des enfants que la vie a mis sur mon chemin. Donner et retenir ne se peut. À la vérité, ma générosité n'existe même pas. J'ai du bonheur éparpillé un peu partout. Je suis comme beaucoup de gens dont les biens prospèrent au loin. » Aussitôt, les camarades d'indigence trouvèrent la plaisanterie mauvaise. Quelle est cette étrange personne sans infirmité déclarée? Et quelle est cette façon de ne pas nous tenir au courant des variations de son état physique? Et quelle ineptie! Elle a donné ses yeux, sa voix, sa mémoire. Parbleu, c'est une folle! L'opinion alla se fortifiant et prit enfin le caractère d'une certitude. Tellement l'institutrice écoutait sans objection les plus longues litanies, tellement elle compatissait sans faire la restriction de son propre malheur. Elle était exaspérante de patience et d'effacement. On ne pouvait réellement pas causer avec cet aliéné, qui ne relevait la conversation d'aucune prétention personnelle. Il arriva que de grands travaux d'utilité publique provoquèrent l'expropriation de la maison de retraite. Où pourrait-on transférer les pensionnaires? La société de bienfaisance avait à sa tête un comité d'hommes renseignés qui n'hésitèrent pas à préconiser un nouveau mode d'assistance expérimenté officiellement depuis quelques années en France et à l'étranger. Le placement des indigents à la campagne chez des particuliers. Moyennant un prix d'entretien susceptible de laisser quelques bénéfices, chaque administré s'installe dans une famille paysanne. Il a sa chambre séparée et prend les repas en commun, avec latitude complète de sortie et dispense du moindre travail obligatoire. La société de bienfaisance résolut de fonder ainsi une colonie dont le siège fut une localité de Seine-et-Oise, afin de ne pas trop dépayser les indigents. Ceux-ci goûtèrent médiocrement la précaution. Les uns auraient préféré la Provence, les autres la Picardie. Faute de pouvoir se mettre d'accord, les mécontents s'en prirent à l'institutrice. Si seulement cet aliéné s'était rangé d'un côté ou de l'autre, dans l'inquiétude du changement, dans la crainte d'une diminution de confortable, tout le monde regardait l'institutrice de travers. Avait-on bien songé qu'il ne s'agissait pas d'un placement d'aliéné? À la date fixée, les indigents, accompagnés d'une délégation de la société, débarquèrent dans un bourg assez important où toutes les professions indispensables à la vie ordinaire étaient représentées. Ils se rendirent à la mairie pour choisir leur nourricier parmi les habitants réunis qui avaient fait des offres et qui étaient tous des gens de métier ou des commerçants, les cultivateurs proprement dits s'étant récusés. De prime abord, le sentiment général des indigents fut un dédain extrême pour la situation sociale de leurs hôtes futurs. Quoi? Un maçon, un broyer, un menuisier, un peintre vitrier? Quoi? Un épicier, un marchand de confection, un charcutier, un débitant? Quelle profession inférieure! L'ex-rémouleur s'attendait à être hospitalisé chez le notaire, pour le moins. L'ex-ramasseur de bouts de cigares demanda : « Il n'y a donc pas de banquier dans la localité ? » L'ex-balayeuse regrettait que tous ces gens eussent des enfants à cause du désordre probable de leur intérieur. Parmi les aspirants nourriciers, le maçon, le menuisier, le peintre ne furent acceptés qu'en se qualifiant d'entrepreneurs. Les commerçants en objets de consommation eurent plus facilement des amateurs. Le débitant parut soudain presque aussi sortable qu'un banquier au ramasseur de bouts de cigares. Mais les indigents excipèrent de leurs infirmités pour refuser d'avance tout genre de service à leurs nourriciers, car ils tenaient à rester distincts de ces médiocres campagnards. Par exemple, un habitant qui ne trouva pas d'amateur et qui resta le dernier non pourvu de pensionnaire, ce fut l'étameur. Quelle profession ridicule, inavouable, allait crier de commune en commune « Voilà leur étameur, leur accommodeur !» L'ex-marchande de peau de lapin ne comprenait même pas que l'on tolérât ce métier ambulant. Et le présent étameur, affublé d'une tripotée d'enfants, logé à l'extrémité du bourg, paraissait vivre dans la gêne. Mais on avait oublié la vieille institutrice. Elle prit l'étameur de vouloir bien lui accorder un coin dans sa maison et de croire à son peu d'exigence. Sauf sur un point, elle réclamait d'avoir, le plus possible, le soin des enfants. Et tous les colons rirent bien fort aux dépens de l'aliéné. Une délégation de la société de bienfaisance devait périodiquement inspecter la colonie familiale et pourvoir aux améliorations nécessaires. Peu de temps après l'installation première, au mois d'avril, la commission arriva dans le bourg en automobile et visita successivement chaque placement. Tous les colons eurent des réclamations graves à formuler, il fallait leur donner satisfaction ou bien les reprendre, les replacer en communauté. Or, la société de bienfaisance désirait à tout prix la réussite du mode d'assistance actuel. Sa nouvelle devise était « abolition des hospices, suppression des établissements spéciaux à régime administratif ». La société avait recueilli de hautes approbations. Elle avait pris posture de novatrice, renonçant au placement collectif suranné. Elle ne pouvait pas se déjuger. Les délégués avaient donc pour mot d'ordre « pas de réintégration ». Ils écoutèrent attentivement les doléances de chaque pensionnaire. Munis de pouvoirs étendus, ils firent des modifications immédiates et pour le reste, des promesses solennelles. L'inaptitude de certains indigents à vivre en famille était cependant évidente. Plusieurs proféraient leurs griefs en véritables énergumènes. Leurs gestes emmoulinants et leurs jets de salive obligeaient la commission à garder une distance respectueuse. Deux évaporés s'étaient déjà battus avec leurs nourriciers, menaçant de tout briser, de mettre le feu. Pour les maintenir chez leurs hôtes, la commission consentit au plus onéreux sacrifice. L'un des deux batailleurs, provisoirement de connivence avec son nourricier, coûta la reconstruction partielle d'une maison. Le cheminot fluvial critiqua surtout le mode de couchage usité dans la région. Ni la forme des matelas, ni le ressort du sommier ne lui convenaient. Les délégués promirent d'expédier de Paris un lit garni du dernier perfectionnement. Le ramasseur de mégots ne trouvait pas la nourriture assez délicate. Dame, c'était un fin palais. En refumant un cigare, non seulement il en disait le prix, mais il discernait l'état de santé du premier occupant. Un supplément fut alloué à son nourricier, avec spécification de plats maigres le vendredi. L'ex-pitre de foire souffrait du manque d'égards. Son hôte, le menuisier, avait par trop l'habitude de lui parler, la casquette sur la tête. La chanteuse des rues fit déplacer une cloison chez ses hôtes, rapport au courant d'air. Le camelot n'admettait pas que l'on pérorât si fort chez le barbier où il habitait. Quant au tondeur de chien, il fallut le changer de résidence et verser un dédit à son premier nourricier. Aucun autre arrangement ne fut possible. Il avait trouvé une puce dans sa couverture. La dernière inspection, au bout du pays, eut lieu chez les tameurs. « Ah oui, n'oubliez pas la folle !» crièrent ironiquement plusieurs pensionnaires. Les délégués furent étonnés. Il y avait donc une aliénée. On aurait dû le leur signaler. Ces messieurs virent de loin une femme âgée, avec des lunettes, toute menue dans un costume noir, et qui, assise devant la porte de l'étameur, faisait un travail à l'aiguille. « C'est elle !» ricana le guide. De petits enfants sous sa surveillance jouaient, babillaient, apportaient et reprenaient des objets sur ses genoux. Elle ne se précipita pas au devant de la commission à grands gestes et à grands cris comme les autres hospitalisés. Elle se leva, salua et attendit. Firent ces messieurs, en se regardant gravement et ne sachant par où commencer leur enquête. « Eh bien, êtes-vous dans de bonnes conditions ?» demanda l'un. « Dans les meilleures conditions, messieurs. fit-elle de sa voix usée par les laryngites professionnelles. Le guide alla dérober, indiqua en se tapotant le front qu'elle avait la tête fêlée. La chaumière de l'étameur offrait un peu l'aspect extérieur d'une étable, une porte basse, une seule fenêtre garnie d'une grille de fer au lieu de contrevent. « Vous êtes placé chez des gens très pauvres, » observa un délégué. « C'est moi-même qui ai choisi. Vos hôtes sont absents toute la journée. Il faut bien, à cause de leur travail. » Les délégués pensèrent soudain exercer au nom de leur administration des revendications contre les tameurs. Celui-ci, par exemple, ne devait même pas imposer la garde de la maison à sa pensionnaire. Un règlement existait, tonnerre, et qui n'était pas établi au seul bénéfice des nourriciers. Mais ces enfants que l'on vous laisse... L'institutrice eut un sourire extatique. « Oui, croyez-vous, ils m'ont adopté, ces petits, je n'espérais pas tant. » Son aspect chétif augmentait l'étonnement. « Est-ce que la nourriture ne laisse pas à désirer ? Il faut être équitable. Le prix d'entretien payé ne permet pas une chair somptueuse. » Un de ces messieurs jeta un coup d'œil dans la chaumière. L'intérieur paraît tout à fait primitif. « Oh, je couds de beaux ornements !» dit avec fierté l'institutrice en montrant son ouvrage posé sur la chaise. Le guide pouffait derrière les délégués. Elle faisait de petits travaux d'école, des cadres, des porte-montres, des vide-poches, avec des chalumeaux, du papier, des bribes d'étoffe. Mais, dit la commission très bienveillante, et résolue à améliorer quand même le sort de son administré, l'on peut exiger un certain confortable de vos nourriciers si vous le demandez. Voyons, ces engelures à vos mains prouveraient que vous avez souffert du froid. Était-elle un peu sourde? Elle ne répondit pas. Elle s'excusa seulement d'aller à quelques pas ramasser une pièce de linge tombée sur l'herbe. Les enfants s'accrochaient à sa robe, les poules aussi la suivaient. Il y avait tout un bariolage de petits vêtements qui séchaient sur une haie. Des cultures s'étendaient à perte de vue. Le soleil lorgnait la chaumière par-dessus le vieux pommier voisin de la façade. C'était le rang calme pénétrant de la campagne. Les délégués semblaient en effet particulièrement impressionnés. Ils se retirèrent devant un remerciement cérémonieux de l'institutrice, et sur un signe qu'elle fit aux enfants, toute une volée de jolis baisers partirent à l'adresse de ces bons messieurs. À la suite de cette enquête, la commission se réunit à Paris et rédigea un rapport triomphant sur la réussite du nouveau mode d'assistance. Les résultats heureux du placement familial étaient exposés en un tableau idyllique où la maison de chaque nourricier avec son pensionnaire devenait la cellule modèle d'un organisme idéal. Toutefois, le succès même ordonnait des sacrifices. Il fallait procéder à des perfectionnements. L'on abordait le chapitre des dépenses supplémentaires. Un membre du comité, quelque peu orateur de brasserie, fit entendre un raisonnement prudent. « Messieurs, devant tant de modifications consenties, n'est-il pas à craindre que l'on dénonce notre parti pris de maintenir le régime de la colonie comme une panacée universelle ? Qui veut trop prouver ne prouve rien. Pas de règles sans exception. Nous affaiblissons notre démonstration en prétendant, contrairement à la logique et à la réalité, que tout indigent possède l'aptitude à la vie familiale chez l'habitant de la campagne. Il faut établir nettement notre impartialité en proposant au moins une réintégration de pensionnaires dans un établissement spécial. La société de bienfaisance, au surplus, ne peut assumer que des responsabilités limitées, et elle n'a préconisé son système qu'en faveur de personnes âgées ou infirmes. Bref, puisqu'il y a une aliénée, nous devons l'enlever au placement qui ne lui convient pas et assurer son internement dans un asile. Mais, fut-il objecter, c'est la seule pensionnaire qui n'occasionnait pas de surcroît de dépenses. Justement, proclama l'orateur, en ne tenant pas compte de l'avantage pécuniaire de notre société, assimilé ici à un intérêt privé, nous montrons péremptoirement les considérations supérieures qui nous guident. L'intérêt même de nos administrés et l'intérêt général. Toutes les réclamations furent sanctionnées d'un avis favorable, tous les crédits additionnels furent accordés. La dernière mesure réalisée fut la suivante. On expédia de Paris une lourde voiture fermée, sans vitres, éclairée par des volets à cadre de fer, pareil à une prison ambulante. Et l'on confia une mission à deux hommes revêtus d'une sorte d'uniforme pénitentiaire qui prirent place près du cocher. Leur action fut prompte et discrète, la foudre, puis le néant. Les nécessités implacables de la consigne avaient doté ces hommes d'un visage sévère, qu'aucun spectacle ne devait attendrir, ni la protestation épouvantée d'une vieille femme sans bois, ni les petits enfants, par terre agenouillés, qui tendirent en pleurant leurs menottes aimantes. C'était L'Aliéné par Léon Frappier.